C'est l'homme le plus recherché d'Irak, Abu Moussad al-Zarqawi, le nouvel ennemi numéro un des États-Unis, le terroriste qui serait à l'origine de la plupart des attentats perpétrés en Irak et surtout dans le fameux triangle sunnite, mais aussi le bourreau qui aurait parfois personnellement égorgé les otages capturés dans le pays. Et sa tête est maintenant mise à prix, elle vaut 25 millions de dollars, autant que la tête de Ben Laden. Et Ben Laden, justement, Zarqawi ne serait rien moins que le représentant en Irak d'Al-Qaïda, le meilleur associé de Ben Laden. Toutefois, M. X a des doutes. Et d'abord parce que personne ne sait exactement à quoi ressemble Zarqawi, ce terroriste fantôme qui aurait réussi à s'enfuir de Fallujah lors de la sanglante bataille que vient d'y livrer l'armée états-unienne. Fallujah, où il aurait établi son QG avant de disparaître mystérieusement. Alors, qu'en est-il exactement? Zarqawi est-il une créature imaginée de toutes pièces par les Américains? Ou bien est-il réellement ce redoutable terroriste que Washington, mais aussi le gouvernement du Premier ministre Iyad Alawi, recherchent en vain? Avant toute chose, il faut observer qu'Abu Moussad al-Zarqawi est sorti d'un quasi-néant en février 2003. C'est-à-dire, juste avant que les Américains n'attaquent l'Irak. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et pour vous, ce n'est pas un hasard. Évidemment, c'est Colin Powell qui lui a apporté cette soudaine notoriété. Mais rappelez-moi, de quelle façon? Eh ben, au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d'État américain, projetant la photo d'un barbu sur un écran géant, a soudain mis en lumière l'existence de Zarqawi, l'émissaire de Ben Laden à Bagdad. Oui, carrément. Alors, et le but étant d'établir un lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Naturellement. Donc, de légitimer la future guerre contre l'Irak. Alors, si vous voulez bien, voyons ça d'un petit peu plus près. Ouais. Zarqawi, jordanien de 36 ans, est accusé d'être le chef d'un réseau terroriste international. Hébergé par Saddam Hussein, il a obtenu des Irakiens des armes chimiques et biologiques. Ce séide de Ben Laden aurait même passé, dit-on, un pacte de coopération avec le régime de Saddam Hussein. Ah oui, alors, par conséquent, la seule existence de ce Zarqawi apportait la preuve que l'Irak était impliqué dans le terrorisme international. Et la relation était faite avec les attentats du 11 septembre 2001. Ah ouais. Et comment cette annonce de Colin Powell a-t-elle été reçue Ailleurs qu'aux États-Unis, avec un grand scepticisme. En France en particulier. Et pourquoi spécifiquement la France? Écoutez, parce que dans son discours, Powell a affirmé qu'il existait chez nous des cellules dormantes d'Al-Qaïda directement dirigées par Zarqawi. Or, nos spécialistes du contre-espionnage, s'ils avaient bien mis en évidence et démantelé au moins un groupuscule islamique qui projetait de perpétrer des attentats chimiques, n'avaient jamais établi de lien avec l'Irak. Il s'agissait donc, pour les services français, là, d'une manipulation américaine. Puis d'un montage par amalgame. Et cette accusation vient tout juste après la fausse information divulguée par l'opposant irakien Ahmed Chalabi, selon laquelle un officier des services secrets de Bagdad aurait rencontré à Prague le chef des commandos du 11 septembre. Ouais, nous avons vu cela la semaine passée. Il faut aussi replacer cette campagne de désinformation dans la psychose qui a suivi le 11 septembre. Ces mystérieuses découvertes de poudre d'anthrax dans les courriers destinés à quelques dirigeants ou parlementaires américains, des affaires qui n'avaient apparemment rien à voir avec le terrorisme islamique. Oui, mais qui accréditaient l'idée que les prochains attentats anti-occidentaux seraient chimiques ou biologiques. Oui, alors justement, Zarqawi était présenté comme étant un spécialiste de ces armes sales, ces armes de destruction massive que Saddam Hussein était censé posséder. Ouais, donc ça tombait très très bien. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que quelques jours seulement après la déclaration de Powell devant le Conseil de sécurité, la chaîne Al Jazeera a diffusé une cassette de Ben Laden, appelant tous les musulmans à défendre l'Irak contre les croisés. Zarqawi apparaissait naturellement comme étant le chaînon manquant entre Ben Laden et Saddam Hussein. Donc alors, malgré lui, il a joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la guerre. Incontestablement. Et si la démonstration de la guerre convaincue dans de nombreux pays peut importer à George Bush et à son entourage de faucons, l'important, c'était de persuader la plus grande partie de l'opinion américaine que Saddam Hussein encourageait le terrorisme et qu'il était même directement à l'origine des attentats du 11 septembre. Et comme vous le savez, ça a marché. Oui, étrangement, oui. Alors, voyons de façon plus précise qui est ce mystérieux Zarqawi. Pour autant qu'on le sache, car les informations sur ce Jordanien sont très incomplètes et beaucoup d'entre elles ressortent plutôt de la propagande que de la vérité. Enfin, toutefois, essayons quand même. Donc, Zarqawi, ou plutôt l'homme, que l'on appelle ainsi, est né en Jordanie en 1966 dans la ville de Zarqa, une ville proche de la frontière irakienne. Ouais, d'où Zarqa, oui. Bien sûr. Voilà. La tribu à laquelle il appartient, les Beni Hassam, vit d'ailleurs de part et d'autre de cette frontière irako-jordanienne. Ah, il est donc à peu près comme chez lui en Irak. Hein. C'est exact, oui. Mmh. Son vrai nom est Ahmed Fadel Al-Kalayeh. Mmh. Et sa famille ? Elle est très pauvre. Son père gagne sa vie en louant des chaises. C'est en effet très modeste. Quant à sa mère, on sait qu'elle est analphabète, mais c'est tout. Zarqawi, continuons donc de l'appeler ainsi, fait des études médiocres. Adolescent, c'est un marginal, un bagarreur impliqué dans divers trafics. Un petit voyou, quoi. C'est ça, oui. Ouais. J'ai même lu quelque part qu'il a été soupçonné d'agression sexuelle. Ouais, bref, un personnage pas très recommandable. Mais, curieusement, alors qu'il a un peu plus de 20 ans, il part pour l'Afghanistan. Et pour combattre avec les Moudjahidines contre les Soviétiques ? Oui. Ouais. Mais est-ce qu'il est religieux ? Alors ça, franchement, je n'en sais rien. Mais il est bien plus probable que c'est l'aventure qui l'a tenté. L'aventure est aussi le désir d'échapper au sort misérable des siens. Mmh. Est-ce qu'il va effectivement combattre ? Bah, là encore une fois, je suis incapable de vous répondre. Enfin, d'après certaines sources, il aurait été reporter pour un journal djihadiste financé par l'Arabie Saoudite. Mais étant donné son parcours scolaire, ça me semble quand même bizarre. On dit aussi qu'il se serait lié avec l'un des seigneurs afghans de la guerre, le redoutable Gulbuddin Hekmatyar. Ah, un homme, lui, proche de Ben Laden. C'est hein, exact. Oui. Il aurait donc pu approcher Ben Laden par son intermédiaire. Ah, c'est très possible. En 1989, les Russes se retirent d'Afghanistan. Mais le régime communiste perdure encore. Oui, oui. 2-3 ans, je crois. Oui, à peu près. Oui. Donc Zarqawi se trouve alors dans un camp de Moudjahidine à Herat, près de la frontière iranienne, un camp de chiites. Je le souligne parce que c'est très important quand on pense à la suite. Ah, mais pourquoi ? Bah, parce que le sunnite Zarqawi vouerait aujourd'hui une véritable haine aux chiites. Enfin, ça, on en reparlera, si vous voulez bien. Ouais. Au début, donc, des années 90, le jeune homme revient dans son pays. Mais que fait-il, alors, là ? Bon, il vivote en vendant des cassettes vidéo. Mais son petit commerce ne tarde pas à péricliter. Ouais, petit commerce. Et sur le plan politique ? Bon, comme beaucoup de vétérans d'Afghanistan, c'est maintenant un islamiste fervent. Et ça n'est pas très bien vu dans le royaume jordanien. Parce que les autorités se méfient de ces types. Bah, bien entendu. Pour les islamistes, la Jordanie fait en effet partie de ces pays arabes impies et corrompus qui ne respectent pas la charia et sont franchement pro-occidentaux et inféodés aux États-Unis. Les ennemis, donc. Oui. Et Zarqawi, avec un Palestinien nommé Al-Bakawi, crée un mouvement fondamentaliste, Al-Tawhid ou Al-Jihad. Ce qui veut dire Unification et guerre sainte. Ah, ouais. Mais la réplique des autorités jordaniennes ne tarde pas. Accusés de détenir des armes, les deux militants islamistes sont arrêtés et jetés en prison. Zarqawi va y rester 6 ans. Il passera même la dernière année dans l'une des prisons les plus redoutables de Jordanie, en plein désert, au sud du pays. Mais j'imagine que ça ne va guère le calmer, ça. Non, c'est certain, ça. Enfermé, Zarqawi fait du prosélytisme auprès de ses compagnons de détention. On dit aussi qu'il apprend par cœur les sourates du Coran et s'autoproclame émir. Cependant, en 1999, il bénéficie d'une mesure d'amnistie et recouvre la liberté. Mmh. Son parcours est quand même curieux, là. Le petit voyou qui devient un religieux fanatique, un militant fondamentaliste. Bah non, on a déjà vu ça ailleurs. En France, par exemple, où d'anciens truands arabes sont devenus imams. La grâce de la conversion. Oui, enfin, si on veut. Toutefois, c'est vrai qu'on peut s'interroger, comme on peut se poser des questions sur le changement de stature de Zarqawi. Modeste Moudjahidine, après avoir été voyou, il va soudain être présenté comme l'égal de Ben Laden, le chef d'un réseau terroriste qui étend sa toile d'araignée sur le monde entier. Ouais, ce qui vous fait douter de la vraisemblance du portrait. Bah, comment ne pas réagir ainsi ? Enfin, continuons. Hein. Libéré, Zarqawi est à nouveau prêt à reprendre le combat. Et son objectif maintenant hein ? Le royaume hachimite. Il est désormais décidé à lutter de toutes ses forces contre ce pouvoir qui l'a jeté de longues années en prison. Il faut donc réunir autour de lui et au sein de son mouvement, Unification et Guerre Sainte, des fidèles. Bah, cependant, il lui est difficile de mobiliser cette petite troupe en Jordanie même. Ah oui, à cause de la police. Bah, bien sûr. Il part donc avec femme et enfants au Pakistan. À Peshawar, exactement. Ouais. D'ailleurs, à la limite des fameuses zones tribales, là où Ben Laden, d'ailleurs, serait réfugié aujourd'hui. Oui, hein, oui. Ouais. Et là, je suis obligé d'employer le conditionnel. Il serait entré dans la mouvance d'Al-Qaïda et aurait même reçu une importante contribution financière des mains mêmes de Ben Laden. Face aux accusations de Colin Powell formulées en février 2003 devant le Conseil de sécurité, les Irakiens ont vivement réagi. C'est d'abord un conseiller de Saddam Hussein, le général Amer al-Saadi, qui riposte, ainsi que le rapporte le journal Le Monde dans son édition du 8 février. C'est une distorsion des faits et beaucoup de fiction. Est-ce suffisant de répéter « nos sources nous disent, nos sources nous indiquent » sans aucune preuve? Est-ce suffisant? Le conseiller a pris pour exemple l'absence de preuves formelles sur l'affaire des camions transformés en laboratoire et sillonnant le pays pour échapper aux inspections. Comment pourrions-nous prouver que nous n'avons rien de tel en Irak? Comment? Quant au fait que Bagdad tente parfois de cacher ses programmes d'armement, il est justifié, selon M. al-Saadi, par le droit à la légitime défense. Nous avons des secrets militaires, notamment sur notre défense aérienne, mais, conclut-il, l'Irak ne possède aucune arme de destruction massive, aucune arme prohibée par les résolutions de l'ONU. Par la voix du diplomate Saïd al-Moussaoui, ex-ambassadeur à l'ONU, l'Irak a également nié tout lien avec Abu Moussad al-Zarqawi, le Jordanien, accusé par Colin Powell d'être le maître d'œuvre des relations entre l'Irak et Al-Qaïda et de résider à Bagdad. Selon M. al-Moussaoui, l'homme vivrait au Kurdistan irakien qui échappe au contrôle du gouvernement et serait abrité par la faction islamiste Ansar al-Islam, elle-même coupée des autres mouvements kurdes. Nous n'avons jamais eu aucun lien avec al-Zarqawi ni avec Ansar al-Islam, a déclaré le diplomate. Cette contribution financière de Ben Laden à Zarqawi, vous pouvez en dire plus? Écoutez, je pourrais quand même pas vous donner le chiffre exact, mais il se sera agi de dizaines de milliers de dollars. Une somme destinée à permettre à Zarqawi d'entraîner ses fidèles. Mais où alors? À Herat, en Afghanistan. Là où Zarqawi est déjà venu. Oui, c'est à Herat qu'il va faire venir des militants essentiellement jordaniens. Le but étant toujours de s'attaquer à la Jordanie. Oui, d'y créer des troubles. Pourquoi cet intérêt de Ben Laden pour celui qui n'est alors qu'un modeste islamiste, hein? Le chef d'Al-Qaïda aurait eu l'intention de recruter des Palestiniens dans son organisation. Zarqawi, donc citoyen d'un pays, la Jordanie, où les Palestiniens sont majoritaires, était donc bien placé pour réaliser cet objectif. Et ça a fonctionné? Je ne le pense pas, non. Donc, globalement, les Palestiniens sont toujours méfiés de Ben Laden et de ses sbires. Quoi, à cause de leur fondamentalisme? Enfin, c'est ce que je crois. Et aussi parce qu'ils ne veulent pas dévoyer leur lutte contre Israël en y intégrant des éléments étrangers. Ouais. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, le Zarqawi entraîne ses troupes. Enfin, ses troupes, c'est peut-être un bien grand nom pour ceux qu'il appelle les Jun al-Sham, c'est-à-dire les soldats du Levant. Enfin, peu importe. En 2000, donc, les hommes de Zarqawi préparent plusieurs attentats en Jordanie. L'un, en particulier, contre un hôtel de luxe fréquenté par des touristes occidentaux. Toutes ces tentatives échouent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, jusqu'au moment où Zarqawi sera désigné comme un des chefs terroristes les plus redoutables au monde, il accumulera les échecs. À une exception près, quand même. En 2002, son organisation réussira à abattre Laurence Follet, un diplomate américain en Jordanie. Est-ce que vous insinuez là que ces échecs vous font aussi douter de la véritable carrure terroriste de Zarqawi? Et pourquoi pas? Enfin, quoi qu'il en soit, ces tentatives, même si certaines sont ratées, lui vaudront une condamnation à mort par contumace dans son pays. Autre question là, est-ce que ces liens éventuels avec Al-Qaïda font de lui un affidé de Ben Laden? Je ne le pense pas, non. Zarqawi serait demeuré indépendant d'Al-Qaïda. Mais quand même très proche. Comme des dizaines d'autres groupuscules islamistes dans le monde. Je vous ai déjà dit par le passé ce que je pensais d'Al-Qaïda. Ce n'est nullement une organisation centralisée, mais plutôt une juxtaposition de mouvements terroristes indépendants les uns des autres et qui ne prennent pas leurs ordres auprès de Ben Laden. Mais qui s'inspirent de lui. Exactement. Comme si c'était des franchisés d'entreprises Al-Qaïda. On assiste donc à une véritable dissémination des groupes terroristes. Et paradoxalement, à cause des Américains. Ouais, expliquez-moi ça. Bon, après le 11 septembre, Washington a frappé un grand coup en intervenant en Afghanistan et en détruisant la plupart des structures d'Al-Qaïda. Ses camps d'entraînement, ses installations et en asséchant les ressources financières. Bon, le résultat, ça a été l'éparpillement et la dissémination dans le monde entier. En Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Occident. D'autre part, à cause de la surveillance électronique de toutes les communications, Ben Laden et ses acolytes sont dans l'impossibilité de commanditer à distance les attentats. Alors ce qui veut dire, vous parliez de paradoxe, ce qui veut dire que désormais la lutte contre le terrorisme est devenue plus difficile. Ah, tout à fait. Mais après cette parenthèse, revenons à Zarqawi. C'est à partir de 2001 qu'il aurait soudain pris une nouvelle dimension. C'est-à-dire? Bah, d'une part, abandonnant partiellement son objectif jordanien, il se serait mis en tête d'élargir son action aux pays européens. Mm-hmm. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais est-ce qu'on en a la preuve? Un de ses séides, un jeune Jordanien arrêté en Allemagne, dévoile tout un pan de l'organisation Zarqawi. La préparation d'attentats anti-israéliens ou anti-occidentaux, les trafics de faux papiers, et Zarqawi serait un as en la matière. Mais aussi le financement du mouvement grâce à des dons collectés dans les mosquées. Mais, précision, ce jeune terroriste-là prononce le nom de Zarqawi? Oui, oui, il dit qu'il obéit à Zarqawi. Je crois même qu'il affirme que toutes les recrues doivent lui jurer fidélité devant Dieu. Simultanément en France, puis en Grande-Bretagne, on met au jour l'existence de cellules qui projetaient des attentats à la ricine, un produit toxique extrêmement dangereux. C'est ce qu'on a appelé la filière tchétchène. Pourquoi tchétchène? Parce que les membres du réseau auraient combattu en Tchétchénie à la fin des années 90. C'est d'ailleurs à l'occasion de la préparation d'un attentat contre l'ambassade russe à Paris que la cellule islamiste exerçant en France a été découverte. Et un peu plus tard, on identifiera d'autres groupuscules dormant en Italie et en Espagne. Donc, à ce moment-là, les spécialistes européens du contre-espionnage peuvent vraiment se dire que Zarqawi est le chef d'un authentique réseau terroriste? Ah oui, mais encore une fois, c'est Colin Powell qui sortira un peu plus tard de l'anonymat où il était confiné jusque-là. Toutefois, il faut le noter, les informations sur Zarqawi sont très peu nombreuses et on en reste au domaine des hypothèses. Mais quand même, si ce jeune Jordanien a prononcé son nom... Ça ne suffit pas pour l'incriminer avec certitude. D'autant que de nombreuses rumeurs commencent déjà à courir sur lui. Propagées par qui? Elles ne peuvent provenir que des services secrets. Ainsi, écoutez bien cette histoire incroyable. À l'automne 2001, lorsque Ben Laden est assiégé par les Américains dans les grottes afghanes de Tora Bora, Zarqawi combat à ses côtés, les armes à la main. Et il est grièvement blessé à une jambe et à l'abdomen. Toutefois, il réussit à s'échapper et trouve refuge en Iran. Tiens, encore chez des chiites. Oui, il subit alors l'amputation de sa jambe blessée. Puis il gagne un hôpital de Bagdad où on l'aurait appareillé. Une jambe artificielle? Oui, selon des informations de la CIA, il aurait profité de son séjour en Irak pour apprendre à fabriquer des armes chimiques et biologiques. Donc avec l'assistance des services de Saddam Hussein? Bien entendu. Enfin, tout ça, c'est une pure invention. Quoi, les armes ou la jambe artificielle? L'ensemble, tout, quoi. Zarqawi n'est nullement un jambiste. Et s'il a réellement appris à confectionner des armes chimiques, il n'a pas eu besoin de Saddam Hussein pour cela. Et pourquoi cette invention? Pour construire sa légende. Pour faire de Zarqawi non seulement l'un des premiers proches de Ben Laden, mais aussi un personnage emblématique du combat islamiste. Ouais, un héros, quoi. Un héros du mal, bien entendu, une sorte de Fantomas. Ou de Batman, par exemple. Les Américains, parce que vous avez compris qu'il s'agissait d'eux, avaient besoin d'avoir en face d'eux et contre eux un redoutable adversaire. Même si, à mon avis, les habits qu'on prêtait à Zarqawi étaient beaucoup trop grands pour lui. Les Américains, dit Monsieur X, ont construit la légende de Zarqawi. Ce ne sont pas les seuls. Certains Français aussi ainsi. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, dans une conférence prononcée à Washington en mai 2003, voici ce qu'il déclare, même s'il semble moins catégorique qu'un Colin Powell. Moussa El-Zarqawi aurait eu des contacts avec le régime irakien et aurait contrôlé, à partir de l'Irak, des réseaux implantés dans le Caucase et spécialisés dans la fabrication de toxines. Si de tels réseaux existent bien dans cette partie du monde, tout ce que je peux dire, c'est qu'aucune preuve n'a pu être avancée en ce qui concerne des liens potentiels entre El-Zarqawi et l'Irak ou encore en ce qui concerne son implication directe dans les groupes qui agissent au Caucase, dont certains ont été démantelés en décembre dernier. Certes, il est établi que cet homme est dangereux. Ex-émir du Joun al-Sham, les soldats du Levant, Abu Moussa El-Zarqawi a rejoint Al-Qaïda dont il est devenu un des leaders depuis 2002. Parcourant le territoire iranien, il a reçu le soutien des structures islamistes de toute la région du Cham, entre la Jordanie, la Syrie et le Liban. Actuellement, il représente une réelle menace pour les intérêts occidentaux et israéliens, d'autant plus qu'il a acquis une large connaissance dans le domaine des toxines, compétence qu'il a partagée avec d'autres membres d'Al-Qaïda liés au mouvement tchétchène. Ce sont des éléments qui, dans le contexte de l'après-guerre d'Irak, rendent les structures d'Al-Qaïda et ceux qui ont été ralliés à la cause du djihad, particulièrement dangereux. J'ai trouvé cette citation de Bruguière dans l'excellent livre de Richard Labévière, Les coulisses de la terreur. Voyons maintenant à après toutes ces fantasmagories, ce qui semble à peu près établi. Zarqawi, après son aventure afghane, qui a sans doute été beaucoup moins glorieuse qu'on ne l'a prétendu, se rend ensuite en Irak. Donc, vous aussi, vous accréditez les relations entre le terroriste et le régime irakien. Mais pas du tout. Zarqawi ne va pas à Bagdad, mais il se fixe dans une enclave kurde qui échappe au contrôle de Saddam Hussein. Il existe en effet un groupe d'islamistes kurdes connu sous le nom d'Ansar al-Islam, ce qui doit vouloir dire, si je me trompe, l'épée de l'islam. Ces gens-là, puissamment armés, sont autant opposés à leurs frères kurdes qu'au pouvoir de Saddam Hussein. Et ils se sont retranchés dans un camp fortifié situé en montagne près de la frontière iranienne. Alors, selon vous, ça devient donc le nouveau QG de Zarqawi? Apparemment, oui. C'est là que se seraient regroupés une centaine d'Arabes chassés d'Afghanistan et des Kurdes iraniens. Un nid de terroristes. Et Zarqawi aurait installé un laboratoire de fabrication d'armes chimiques. Et notez-le bien, quand en 2003 les Américains attaquent en Irak, ils bombarderont assez rapidement le camp d'Ansar al-Islam. Et l'un des adjoints de Zarqawi y aurait trouvé la mort. Ouais. Toujours des conditionnels. Oui, oui, parce qu'il faut sans cesse faire la part entre l'invention et les faits avérés. Et bien peu le seront en vérité. Enfin, si vous voulez bien, avant de poursuivre, je voudrais faire un petit tour en arrière. Au début de cet entretien, je vous ai parlé de Colin Powell et de son discours devant le Conseil national de sécurité. Ça n'était que l'aboutissement d'une véritable campagne de forcing menée par les faucons de la Maison Blanche, les Rumsfeld, Pearl, Cheney et Wolfowitz. Forcing, dirigé contre qui? La CIA, essentiellement. Attendez, je comprends pas. Mais si, pour tous ces néo-conservateurs, l'agence n'était pas aussi anti-irakienne qu'ils le souhaitaient. De nombreux analystes répugnaient à établir un lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Or, c'était un point essentiel. Oui, l'argument qui justifiait la guerre préventive contre l'Irak après les attentats du 11 septembre. Oui, la CIA devait donc apporter de l'eau au moulin de ses faucons, quitte à tricher avec la vérité. Oui, c'est grave, hein. Oui, oui, car en principe, le travail d'un service de renseignement, c'est d'éclairer de façon objective le gouvernement pour lequel il travaille. Bon, en l'occurrence, les faucons ont obligé la CIA à proférer des mensonges. Sur les armes de destruction massive, sur l'existence de Zarqawi censé être le représentant de Ben Laden en Irak. Mais il y a encore plus étonnant, si vous me permettez, une nouvelle petite diversion. Oh, allons-y, je vous en prie. Bon, 8 ans avant le 11 septembre 2001, le World Trade Center avait déjà été frappé par un attentat. Ouais. Bon, son auteur était un Pakistanais, un certain Youssef Ramzi, qui avait indubitablement des liens avec Ben Laden. Une journaliste très proche des milieux néo-conservateurs s'est mise en demeure de faire une démonstration ahurissante. Pour elle, non seulement ce Ramzi ne s'appelle pas Ramzi, mais il n'est pas pakistanais, mais irakien. Ah bon? Et comment est-elle arrivée à ce résultat-là? Je passe les détails, mais en gros, ce terroriste formé et entraîné par les Irakiens aurait, à la faveur de l'invasion du Koweït en 1990, pris l'identité d'un vrai pakistanais qui aurait été préalablement liquidé par les services spéciaux de Saddam Hussein. Un peu tortueux, non? Oui, sans doute. Mais enfin, ça prouve bien que la garde rapprochée de George Bush était prête à tout pour impliquer l'Irak dans le terrorisme international. Ouais. Alors, Zarqawi, pour revenir à lui, était donc une pièce importante du dispositif anti-irakien. Effectivement. Songez que le vice-président Cheney a affirmé très sérieusement que Zarqawi, installé à Bagdad, tenait un commerce où il contrôlait la fabrication de poisons, comme la ricine. Autant de fausses informations comme celle de l'existence des armes de destruction massive irakiennes, qui sont ensuite démenties par un récent rapport de la CIA. Tout récent, hein. Oui. Mais si Zarqawi avait servi la propagande avant la deuxième guerre du Golfe, il pouvait être aussi utile après. Que voulez-vous dire? Je vous explique. Les Américains et les troupes de la coalition attaquent l'Irak en mars 2003. Et à leur grande surprise, ils ne rencontrent pas une grande résistance. Les bataillons de Saddam Hussein se débandent assez rapidement. Et même dans les villes, il y a peu de combats de rue. Mais dès le début de l'été, ça commence à bouger. Surtout dans les zones peuplées de sunnites. Ouais, et les attentats se multiplient. Hein. Des attentats qui frappent l'ONU, les Américains, mais aussi tous ceux qui acceptent de collaborer avec eux, policiers, militaires. Et je suis sûr qu'à Washington, on n'avait pas prévu cette situation. Oui, parce que les Américains s'attendaient à être reçus en libérateurs. Et alors que beaucoup d'Irakiens les considèrent d'abord comme des occupants. Ouais. Bah, il faut dire qu'ils ont multiplié, enfin les Américains, les maladresses, les humiliations. Oui, ça c'est parfaitement exact. Toutefois, à leur décharge, on doit reconnaître qu'ils ont été intoxiqués par les Irakiens en exil, comme Chalabi. Mmh. Des gens complètement coupés de leur pays depuis des dizaines d'années et qui n'avaient pour seule ambition que de s'emparer du pouvoir à la faveur de l'occupation américaine. Et qui avaient promis aux Américains que leur arrivée serait accueillie avec ferveur, puisqu'ils débarrassaient les Irakiens d'un impitoyable dictateur. Et dès que les premiers actes de résistance se manifestent, Zarqawi apparaît. Parce que les Américains ont besoin d'un chef d'orchestre, d'un homme qui coordonne la résistance et la personnifie. Un terroriste à qui on peut imputer tous les mauvais coups, y compris les assassinats d'otages. Alors ce sera donc Zarqawi. Oui, Zarqawi, qui depuis son repère de Fallujah, la ville aux 80 minarets, mène la guerre contre les troupes de la coalition, mais aussi, et c'est très important, contre les chiites. Et les chiites qui sont largement majoritaires. Et qui, pour les Américains, mais aussi pour le gouvernement intérimaire, n'ont pas de pire ennemi que le sunnite Zarqawi. Et ici, il faut faire état d'un fait très curieux. Au début 2004, des Kurdes interceptent un homme présenté comme un proche des Zarqawi et le livrent au service de renseignement américain. On trouve sur lui un document très précieux, une lettre de Zarqawi adressée à Ben Laden. Et que contient-elle cette lettre, hein? Zarqawi affirme faire allégeance au chef d'Al-Qaïda. Il reconnaît aussi que le combat contre les forces d'occupation, les démons comme il les appelle, est très difficile. Car les Irakiens répugnent à héberger ces combattants, surtout quand ce sont des moudjahidines étrangers. Mais la plus grande partie du texte est consacrée aux chiites, présentés comme étant les ennemis prioritaires des vrais croyants. Avant même les Américains? Oui. Et qu'en concluez-vous alors? Bon, cette lettre me paraît trop belle pour être vraie. Un faux? J'en suis persuadé. Parce que tout y est. L'inféodation de Zarqawi et Ben Laden, la présence de combattants étrangers dans le pays, et surtout la détestation des chiites. C'est pourquoi je pense que ce copieux document a été fabriqué de toutes pièces par les services américains. À mon tour de faire une parenthèse, j'ai retrouvé le texte de cette lettre dans un livre publié sous la direction d'un spécialiste du renseignement, Eric Dénessé, Al-Qaïda, les nouveaux réseaux de la terreur. J'en tire cet extrait sur les chiites. Notez, au passage, une insolite allusion à l'histoire romaine, d'autant plus insolite que Zarqawi, si j'en crois M. X, n'a guère brillé à l'école. Je cite. Selon notre opinion, les chiites constituent l'objectif majeur. Viser et frapper leurs symboles religieux, politiques et militaires déclenchera leur fureur contre les sunnites et les conduira à se venger. Tout comme les sabins, si nous arrivons à les attirer dans une guerre sectaire, cela réveillera les sunnites actuellement assoupis. Ces derniers sont pleins de crainte face à la destruction et à la mort que peuvent provoquer les sabins, c'est-à-dire les chiites. Malgré leur faiblesse, les sunnites sont déterminés, honnêtes et différents de ces chiites, poltrons et fourbes, qui ne s'attaquent qu'aux faibles. La plupart des sunnites sont conscients du danger que représentent les chiites et ils les craignent. J'aimerais revenir sur un seul point mentionné dans cette lettre contestable. Zarqawi évoque les moudjahidines étrangers. Ils existent incontestablement, mais ils sont loin d'être aussi nombreux que les services américains prétendent en avançant le chiffre de 5000. En réalité, d'après les gens qui se trouvent sur le terrain, il serait moins de 200. Oui, la marche est importante. Comme vous le dites, oui. Enfin, dans cette affaire, tout est exagération. Ainsi, rappelez-vous, après les terribles attentats de Madrid, en mars 2004, certains ont voulu voir la main de Zarqawi. Même chose pour les attentats de Casablanca. C'est pas sérieux. C'est une opinion ou une certitude? Enfin, réfléchissez, Patrick Pénaud. Comment Zarqawi, à partir de son réduit de Fallujah, encerclé par les forces américaines et irakiennes, aurait pu organiser des attentats au Maroc et en Espagne? Ça me paraît complètement absurde. Ouais. Non, attendez, les prises d'otages, les décapitations qui ont été filmées. Elles sont horribles. Cependant, qui peut affirmer avec certitude que c'est la main de Zarqawi qui tenait le couteau? Et si des chaînes de télévision arabes lui ont attribué ces exécutions à lui et à son mouvement, Unification et Guerre Sainte, elles ont elles aussi participé à construire sa légende et son mythe sanglant. Et je vous arrête, les chaînes n'ont pas fait que diffuser les vidéos, il y a eu des revendications signées. Oui, signées Zarqawi. Mais qu'est-ce que ça peut bien prouver? N'importe qui peut signer Zarqawi. La vérité, c'est que les Américains avaient besoin d'un bandit, une personne identifiable pour l'opinion publique. Et tenez, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, ouais, je ne suis même pas sûr que Zarqawi existe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'un véritable Zarqawi, celui qui est né sous le nom de Ahmed Fadel Al-Khalelei, n'existe pas. Mais ce super terroriste capable de frapper n'importe où et responsable de la plupart des méfaits qui sont commis en Irak ne peut être qu'une créature virtuelle. C'est sans doute pourquoi il a disparu si facilement de Fallujah. Pour conclure, je vous propose une citation d'un article du journaliste du Point, Emmanuel Saint-Martin, qui évoque, lui aussi, la lettre de Zarqawi. Une nouvelle fois, sa publicité est assurée par les autorités américaines. Il y a un mois, elles ont ainsi rendu public un document de 17 pages attribué au terroriste jordanien, où il appellerait notamment à créer une guerre civile entre sunnites et chiites irakiens. Ajouté aux nombreux attentats dont on le rend responsable en Irak ou en Europe, cet activisme confine au don d'ubiquité. Mais, à défaut d'en être le chef tout-puissant, Zarqawi est devenu le symbole du terrorisme international, de ces symboles qui permettent sans doute de maintenir toute la vigilance nécessaire dans la guerre mondiale contre le terrorisme.